J'démarre par anti-salope, misère, forte tête, l'assume. J'sais pas, on dirait c'est à la mode de faire la pute. Des acteurs, j'en vois encore plein. Bande de faux youves, sur ma tête, c'est les mêmes rappeurs qui portent plainte. Écriture sportive, j'distribue de grosses gifles. On vit dans un monde où les poucaves n'hésitent plus de sortir. J'préfère m'écarter de vous pour être sincère. Tu sais, l'aime des balances sous prétexte qu'ils t'ont rien fait. On s'appelle frère, mais l'amitié est devenue rarissime. Des fratricides, c'est à l'aise qu'on Goku et tous sont morts du fruit. Les gens se disent proches, mais c'est plus souvent par intérêt. Fais bien gaffe à tes poches, les macrochis n'existent pas. Dans les rêves, tous se disent les restes. Oublie d'être frais et t'encules pour l'atteindre. Un business mec, j'pars d'amitié, ils croient que ça cause l'atteinte. Des gousses, des tympes, ça gratte au max, c'est renfloué, ça se taille. Ça part claquer de la maille comme un gros schlag. Et t'es capte, t'en tiens pas. Les portes avant les buts, c'est fini ça. Vu que l'un peut cacher l'autre, je les distingue plus. J'en fais même l'amalgame. Et voilà carte dans tous les cas, je finis le cœur ébréché. J'ai déjà tout testé, ta drogue l'amour, j'ai pas kiffé les faits. Y'a personne à ma table et c'est peut-être mieux ainsi. Au moins j'ai rien à craindre, rien à perdre ou à trouver par 10. Leur bienveillance ne sont que des simulacres, des illusoires. Déçu des autres, pour ça que je veux plus les voir. Y'a tellement de salopes et de poufias, sur deux vestes qui les coups de crasse. Coups de crasse dans le bout de gras, si t'aimes pas tes coups de bras. Frérot, t'es tout bas, j'espère que c'est pas que quand on se croise. Non, là t'es coups de patte, j'suis des coups de crasse, salope quand on se croise. Y'a tellement de salopes et de poufias, sur deux vestes qui les coups de crasse. Coups de crasse dans le bout de gras, si t'aimes pas tes coups de bras. Frérot, t'es tout bas, j'espère que c'est pas que quand on se croise. Non, là t'es coups de patte, j'suis des coups de crasse, salope quand on se toise. Clon là, j'ai trop de dissociatifs, crée des mésententes. Ouais, mec, j'connais des adultes qui ont insulté des enfants. Détail n'a plus d'importance, ça frappe des vieilles, ça tente des mioches. C'est pas un lèvre jaune qui chaque nuit puisse dans tes grolles. La main tendue te ramène dans un piège à ours. Rouge à lèvres ou pas, c'est le diable, faut l'anéantir, pas lui faire l'amour. Faut pas rapper pour des grosses tafioles. Moi au moins j'sais où j'vais et où j'suis. Après deux verres de polyacor, j'me mouille pas pour une pétasse dont j'doute. Assieds-toi, dis-moi si tu creuses les cailloux. Juste si tu creuses ton trou. Vulgaire sera la remise en place, de toute façon tu faut pas gueule. T'es une salope comme ta mère et comme ta meuf. Ça pue la mouille, laisse roll dans l'escalier. Pour sortir son gosse à trois têtes, elle aura pas besoin d'une césarienne. Y'a de quoi perdre la mémoire, doivent sentir à l'étroit. Les boucles que j'dégageais d'en bas de chez moi, fils de pute. Y'a tellement de salopes et de poufias, sur deux vestes qui les coups de crasse. Coups de crasse dans le bout de gras, si t'aimes pas tes coups de bras. Frérot, t'es tout bas, j'espère que c'est pas que quand on se croise. Non, là t'es coups de patte, j'suis des coups de crasse, salope quand on se croise. Y'a tellement de salopes et de poufias, sur deux vestes qui les coups de crasse. Coups de crasse dans le bout de gras, si t'aimes pas tes coups de bras. Frérot, t'es tout bas, j'espère que c'est pas que quand on se croise. Non, là t'es coups de patte, j'suis des coups de crasse, salope quand on se croise. Le cœur aux miettes, va pas croire ça, j'ai cramé une salope de frère. Les miskines en apparence cachent le vice que leur corps refaire. Refrais ces choses, ça me prouve qu'autour rares sont les braves. T'as fait ces choses, le pire vise l'art dans tout le 33 de watts. Des enfants putes qui s'assoient à ta table et de pain. T'avais déjà perdu tous tes straps, 10 ans plus tard ça s'arrête pas. Rabat, à la rétrape, ça crame et l'arrête pas. Ces moments j'ai le mort d'avoir niqué du temps, pourquoi je m'étale. Indéfendable, tu mériteras pas plus qu'un 16. Dans tes sons, dis-nous quitter vraiment, ils seront plus tout rincés. Fini les blagues, j'suis pas ton zin, donc remballe tes excuses. Minime le bas, dis-me t'as les confessions d'une ex-pute. Si ton tête tu te soignes, à terre moussonne. J'cala même pas, t'es comme clé perdu sur le trousseau. Planquez vos russes, y'a un pervers en ville qui rôde. Sans tes bonheurs aux miens, aux autres, ce sera la vie qui donne, salope.